Sujet de la soirée, éliminer l'opposition. À l'origine, l'opposition tire toute sa puissance, sa force à travers une polarisation dans l'ego. C'est voulu par les forces, c'est une nécessité pour obliger l'individu à trouver la résultante ou la solution à toute forme de manque de définition qu'on pourrait relier au manque d'identité. Et puis, qui, dans l'expérience de la vie de l'âme, est une façon de créer une sorte d'épuration. Si vous avez une polarité dans le mental, une polarité dans l'expérience de vie, c'est sûr que vous êtes obligé de passer par les charges positives et les charges négatives. Et puis, évidemment, la charge négative est opposée à la charge positive, ça va ensemble. Et puis, vous êtes obligé de valider l'aspect négatif et l'aspect positif de votre vie. Si vous validez simplement une position, là, à ce moment-là, vous allez vivre la polarité jusqu'à la fin de vos jours. Donc, c'est comme si la vie d'une personne, c'est de comprendre les oppositions à travers le fait de la voir nécessaire. Il faut voir la nécessité de l'opposition. Puis dans la nécessité de l'opposition, on a de la difficulté à imaginer que c'est valable parce qu'on vit tout le temps l'opposition comme une volonté qui est contre notre bien-être, notre équilibre de vie. Puis on voit ça évidemment comme quelque chose qui cherche à nous détruire, puis évidemment à nous éliminer. C'est-à-dire qu'on devient, par le fait d'être un aspect de l'opposition, on devient l'élément à éliminer, puis on cherche évidemment à éliminer ce qui nous oppose, parce qu'on se dit, ben si je l'élimine, j'aurai plus d'opposition. Et de là naît le fameux combat qui installe cette opposition. L'opposition s'engendre par la différence. Il me donne le couple. Le couple, c'est la plus parfaite opposition qui n'existe pas à travers l'univers. C'est né, le couple, pour engendrer l'ultime opposition. Parce qu'il y a une ultime différence, puis il y a une ultime polarisation. Une femme ne pense pas comme un homme, et vice-versa. Et puis, ça crée dans cette différence-là une obligation des deux parties de se reconnaître absolument dans la nécessité de leur différence, la nécessité d'être ensemble à cause de cette différence-là. Qu'est-ce qu'une personne qui divorce recherche? L'élimination de l'opposition. Qu'est-ce qu'un célibataire recherche? L'élimination de l'opposition. Est-ce qu'on réussit en niant l'opposition à éliminer l'opposition? Non, on fait juste en avoir peur. On a simplement peur d'être opposé et conséquemment, on s'élimine du combat. Mais on ne règle pas l'essence même de la polarité qui est de vivre l'opposition pour l'assimiler, la comprendre et la neutraliser. Ce qui pousse à dire que toute forme d'opposition que vous avez dans les événements de votre vie sont engendrées par votre façon de penser. Ce que j'ai toujours dit, c'est que les événements viennent avec une mentalité, une façon de voir les choses, et que votre mentalité se refuse de traiter avec une polarité. C'est-à-dire que ce qui est différent de vous, vous le rejetez plutôt que l'assimiler. Conséquemment, on en revient à l'affaire de la programmation. Vous venez au monde avec une façon de penser. Vous avez une façon de penser qui est engendrée par la culture, l'éducation, les événements de vie. Il y a des peurs qui s'installent. Et quand la peur devient très grande, vous cherchez à échapper à l'expérience. Mais votre peur va un jour ou l'autre être confrontée à une autre expérience qui va vous prendre par la bande puis qui va vous obliger, peu importe l'âge que vous avez, à faire face à cette peur-là. Donc, toute programmation inclut son lot d'opposition qui sont liées aux peurs qu'on a développées au cours de notre jeunesse. Regardez de quoi vous avez peur, puis vous allez voir les événements de votre vie qui vont créer de l'opposition. Je vous donne des exemples bien larges. Vous aviez peur à l'école de ne pas réussir. Vous êtes devenu une personne qui a prôné pour l'action. Vous allez inévitablement, dans la vie, être obligé d'étudier pour tout le temps que vous ne l'avez pas fait. On fait l'effet inverse. Vous avez étudié pour échapper à l'action. Un jour, vous allez avoir un niveau de saturation intellectuelle phénoménal et il va vous rester le test de l'action. On est ici en présence deux individus qui sont parfaitement opposés dans leur approche et que ça s'est engendré dans leur jeunesse. Il y en a un qui se réfugie dans les études, l'autre qui se réfugie dans le sport ou dans l'action, parce que les deux ont peur de l'autre niveau. Une femme se marie parce qu'elle a peur de la société, elle veut se faire prendre en charge par son mari. Mané a un divorce, puis automatiquement elle est obligée de se faire prendre en charge par la société et éventuellement se libérer du problème qu'il y avait avec l'homme et avec la société qui est celui de se faire justement prendre en charge. Donc, elle est obligée éventuellement de développer les compétences pour s'entretenir. Une personne ne veut pas se faire prendre en charge. Je vous parle de l'autre polarité. Elle fait tout pour ne pas être dépendant de personne. Elle devient nécessairement rebelle parce qu'éventuellement, dans la vie, faut au moins que tu te fasses prendre en charge par l'Hydro-Québec. Hein. C'était pas ben le choix. Puis son éternel combat pour éviter d'être pris en charge l'amène éventuellement à avoir un accident parce qu'elle est surchargée par tous les stimuli qu'elle a. Et puis là, paf, elle a un choc physique. Elle arrive à l'hôpital puis il y a une infirmière qui la prend en charge. Sa rébellion l'oblige à tomber dans un mode passif pour pouvoir reconnaître l'expérience de la complémentarité et de l'assimiler. Vous n'échappez pas à vos peurs. Vous êtes obligé de les vivre. Si vous savez que dans votre programmation, il y a une crainte, il y a une peur, vous allez être obligé de passer par ça. Un homme est dominant, sa femme, imaginez le gars, il est au lit pour 6 mois là, parce qu'il est blessé. Qui est-ce qui domine, là? C'est la femme. C'est la personne qui va s'occuper de lui, qui va lui faire voir qu'il ne peut pas dominer dans une situation où il perd sa mobilité. Si, inévitablement, dans la vie d'une personne, il y a un excès de polarisation, c'est sûr que le balancier, à un moment donné, finit par prendre un point perpendiculaire, puis il va être obligé de revenir à l'autre niveau, hein? La polarité, c'est un mouvement de balancier. Donc, inévitablement, dans une programmation, vos peurs, il y a une séquence de plusieurs années qui peuvent vous placer dans une impression d'avoir un certain contrôle sur votre vie, puis à un moment donné, le balancier passe l'autre bord, puis vous êtes obligé de vivre l'autre zone. Donc, de l'opposition, elle est directement proportionnelle à votre crainte d'être quelque chose que vous ne voulez pas. Directement proportionnelle. Peur d'être pauvre, vous allez être pauvre. Vous avez peur d'être riche, vous allez être riche. Vous avez peur de quelque chose, n'importe quoi. Ça va se vivre dans une dynamique où la programmation vous impose d'aller dans le monde et dans le thinking de l'opposition pour le comprendre, l'assimiler, le vivre, agir avec, et puis éventuellement revenir dans votre source. Vous me suivez? Là, vous allez dire, ouais, mais dans un sens plus léger, mettons qu'on dit dans la vie, là, je m'en vais dans le trafic le matin, puis j'ai de l'opposition. Là. Je suis posé arriver à 9h30, puis je vais arriver à 10h15 parce qu'il y a trop de trafic. Je viens pas me dire que c'est moi qui engendre l'opposition. Qui est-ce qui a choisi la job pour être obligé de se taper le trafic? Qui se crée une condition sociale où on doit s'imposer une ligne de pensée ou une ligne de conduite que si la température fait des modifications X, vous êtes obligé de vous rendre là. Qui vous crée des obligations? C'est vous. Ça s'est peut-être pas décidé le matin même, mais ça s'est décidé il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Fait que la façon dont vous avez aligné votre charge de travail pour éliminer la survie, pour éliminer les problèmes de mécanicité, de payage de comptes, pis tout ça, c'est tout à l'origine à partir de qu'est-ce que vous vouliez vivre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui décide d'être marginale peut y trouver son compte à 50, 55 ans quand celui qui a décidé de pas être marginal puis de convenir avec les règles sociales se trouve protégé? C'est que faut que le marginal soit capable d'assimiler ce à quoi il s'oppose, c'est-à-dire jouer les jeux de la société pour avoir les mêmes avantages que celui qui s'est créé une sorte d'obligation de traiter avec une entreprise. Si tu n'es pas capable d'être ton propre patron, tu ne peux pas te permettre de sortir des structures où il y a un patron. Il faut que tu sois patron si tu veux être libre. Donc, tu es obligé de prendre les mêmes risques que le patron qui va te prendre en charge à l'âge de 19-20 ans. Vous me suivez? Ça veut dire que peu importe le jeu de polarité dans lequel vous êtes, au même titre que le patron va vouloir à 50-55 ans d'être libre comme celui qui l'a été depuis l'âge de 20 ans. Tout le monde cherche à avoir un équilibre, une liberté. Mais celui qui est dans une structure depuis 30-40 ans, il est obligé lui aussi de faire la démarche d'aller dans une marginalité puis de plonger dans le vide. Fait que les deux doivent visiter la polarité inverse. Celui qui sort de la structure sociale, puis celui qui, au départ, et puis qui est obligé au cours des années de se redonner une structure, donc d'étudier pour avoir une structure, et d'actualiser une étude dans une structure. Il est obligé, même si c'est marginal. Et puis l'autre qui a bien étudié pour entrer dans la structure, il a aussi à réétudier vers une fin de vie, une liberté qui s'est jamais donnée pendant 30-40 ans. C'est pas évident, ça, là. En tout cas, le point que je veux faire, c'est que il y a dans une programmation des mouvements qui sont, à cause de votre éducation, votre culture, qui sont des mouvements naturels, et puis qui vont explorer une zone de la polarité qui, éventuellement, vous crée un certain confort, puis éventuellement, quand vous voulez passer à un autre aspect de la programmation qui est l'inverse de ce que vous avez bâti, ben là, il vous faut revisiter ce que vous avez peur dans votre vie. Tandis qu'un individu qui est marginal toute sa vie, ben lui, il fait que ça, organiser le vide à tous les jours, à tous les deux semaines, c'est le vide total. Il est obligé de se créer un monde où le vide devient naturel. Alors que l'autre, lui, il sait qu'est-ce qu'il va faire dans 6 mois, puis dans 1 an, puis il sait combien il va recevoir, comment ça paye, puis comment est-ce qu'il va développer des bonus, c'est son seul vide, mais son salaire est garanti. Donc, vous avez une polarité d'événements garantis, d'événements qui sont, on va dire, surprises, là, qui sont imprévisibles, et ça fait deux mondes différents. Donc, deux polarités qui ont à se confronter, et un individu libre qui a de l'identité est capable de traiter avec les deux. Il est capable de traiter avec une discipline puis une structure, puis de traiter aussi avec une marginalité et une imprévisibilité de sa vie. Ces deux causes-là doivent être vécues. C'est comme un gars qui se marie, il peut pas penser juste go, ou une femme, elle peut pas penser juste femme. Elle est obligée éventuellement pour saisir l'autre, puis être capable de l'apprécier, d'aller dans son monde. Le gars qui va pas dans le monde de la femme, éventuellement, il a peur. Puis la femme qui va pas dans le monde de l'homme, elle perd l'homme aussi. Ou il se crée des tensions qui ont tellement d'opposition que ça devient totalement désagréable de vivre ensemble. Vous me suivez? Fait qu'il faut que les deux éléments soient capables de voir le monde, la femme voit le monde de l'homme, puis l'homme voit le monde de la femme, puis d'apprendre à aller dans les éléments, justement, d'opposition qui se créent dans les différences, pour pouvoir en arriver, justement, avec chacune de vos programmations composées avec des événements qui vont être engendrés par votre mental, des événements qui vont vous faire mettre en relief des conflits qui sont toujours latents dans la peur de perdre. Je vous donne un exemple. Une femme, en tout cas moi personnellement, je trouve que ça a plus de capacité de s'amuser qu'un homme. L'homme, il a plus une capacité de travail puis de structure. Fait que si la femme est pas capable d'être lue comme étant un avantage à alléger, à rendre ça plus éthéré, la vie, elle va finir par être tellement polluée par le monde mental, intellectuel, rigide de l'homme, qu'éventuellement, c'est soit qu'elle tombe malade ou qu'elle crée son camp, parce que si elle le fait pas, elle va mourir. Le gars, il va la tuer. C'est certain. C'est pas peut-être, c'est sûr. Puis le gars, lui, s'il est pas capable de sortir de sa job pour pouvoir se laisser vivre la femme, lui aussi va crever d'excès de structure, puis de rigidité, puis de stratégie. Un homme qui pense en gars, c'est un suicidaire. Parce qu'en quelque part, dans le temps, il ne réussit pas à s'alléger. Il a besoin de la présence d'être plus éthéré, plus dégagé, plus dans l'abstraction. Tu prends les femmes les plus éthérées, puis qui disposent d'une esthétique ou d'une beauté X ou d'une culture quelconque, ils vont attirer des gens très denses, des hommes très denses. Pourquoi? Parce que ces gars-là ont besoin d'air. Puis ils sont pas capables de s'en donner tout seuls, parce qu'ils sont des imbéciles heureux. Ils sont simplement en train de penser comment faire du cash. Ils ont rien à donner autre qu'une sécurité matérielle. C'est plate, un homme. Mais un homme qui réussit à comprendre le monde de la femme, il devient déjà un petit peu plus léger. Puis il garde ses capacités de structure, mais il va pas faire d'overload. Il cherche pas en mettre trop de la structure. Y a-tu plus chiant que d'entendre parler d'un homme de politique, de structure, de technique? Ils se comprennent entre eux autres. Les femmes rentrent là-dedans, puis eux autres, la seule chose qu'ils veulent, c'est alléger ça, parler de sacoche, de mode, des affaires, là, tu sais, que ça paye pas sa dépense. Puis là, m'a dit, si tu comprends pas ça, qu'est-ce que ça fait? Tu divises les deux mondes. Il y en a un qui se prend trop au sérieux, puis qui devient tellement épais qu'il colle dans le fond de la poêle. Puis l'autre, ben, qui est tellement éthéré que c'est la petite vapeur qui s'échappe du chaudron. Puis là, ça fait pas deux éléments qui se rejoignent, ça fait deux éléments qui se séparent. Tandis que le gars, lui, qui à un moment donné, il voit sa femme commencer à parler de sa coche puis de maquillage, il dit, « Oups, peut-être qu'on est trop technique, là. Faudrait relâcher la pédale un petit peu, là. Peut-être qu'il faudrait que je prenne des vacances, tu sais, peut-être. » Puis là, il console sa femme, il dit, « Tu penses-tu qu'on aurait besoin de vacances? Oh oui, chérie, on part en fin de semaine, j'ai acheté les billets. » Il faut qu'il se laisse aller. Sans ça, les billets vont servir à un autre homme, tu sais, qui va passer à un autre niveau. C'est ça, pas comprendre l'opposition. L'opposition, c'est tout. L'opposition, quand tu la vis, c'est parce que tu penses dans un raisonnement qui rencontre une adversité proportionnelle à l'exagération de ta façon de penser. C'est comme si ta façon de penser, là, t'es tellement dedans que le monde n'existe plus autour de toi. Puis dans l'opposition, quand l'opposition est très forte, là, c'est réellement une sorte de... Faut tout partir du fait que les autres sont des événements, hein. Les autres dans votre vie sont là pour vous faire voir quelque chose. T'sais? Fait que les autres sont des événements. Fait que tu as des événements dans ta vie, donc des personnes dans ta vie qui sont là pour te dire « Hey, youhou, la façon dont tu fonctionnes, là, t'es en train de te tirer une balle dans la tête. T'sais, allume. » Puis si t'écoutes pas, ben là, tu te creuses. Tu te creuses. La femme, elle devient trop éthérée. Elle est tellement flyée qu'il n'y a plus un gars qui en veut. Puis où le gars, lui, devient tellement épais là, que là, il fait partie de la poêle. C'est plus quelque chose qui colle dans la poêle, c'est quelque chose qui fait partie de la poêle tellement que c'est collé. Là. Fait que ça, il y a un conflit à ce moment-là dans l'ultime polarité que j'ai toujours dit que c'était l'homme et la femme. Le conflit étant qu'il y en a un qui se coupe du monde de l'autre. Puis là, dans cette coupure-là du monde de l'autre, ben inévitablement, c'est une situation qui engendre des déséquilibres. Ça, le problème que les gens comprennent pas dans l'affaire de l'opposition, ce qui t'oppose peut te rendre service. Parce qu'il peut te faire voir d'autres choses que ce que tu... Donc, le sens de l'opposition, quand vous avez de l'opposition, puis que vous n'êtes pas capable de faire votre point, c'est parce que vous n'avez pas assez de contenance. Parce que, elle augmente sa contenance, elle est capable d'accoter le lumberjack qui est capable de faire des murs à grands coups de poing. Hein? Pas de contenance. Pourquoi j'écouterais ça, là? On s'en va nulle part avec ça. Tu as de la contenance. Tu es capable de traiter avec le « c'est ça ». Là, oups, ça bouge. Il y a un gars qui disait, Tiger Woods, pas de bon opposant. Ça fait pas des parties de golf qui sont bien drôles, tu sais. C'est comme si Tiger Woods embarquait, puis c'est sûr qu'il va gagner. Mais s'il y en a un, c'est Mendelssohn, je crois. Nicholson. Si Nicholson rentre puis qu'il accote Tiger Woods, hey, là, c'est le fun, là. Aller au golf, là, ça peut-être être Nicholson, ça, c'est pas nécessairement Tiger Woods. Fait que, il y a comme d'autres choses à regarder que de regarder une fatalité. Fait que ça oblige Tiger Woods à toujours être en contenance, puis Nicholson a toujours cherché à avoir le maximum de contenance pour pouvoir clencher Tiger Woods au golf. Vous me suivez? Il vous faut de la puissance pour faire face à de la puissance. Quand vos affaires marchent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous faites pas. Fait que s'il faut que tu développes quelque chose, check ce qui t'oppose. Parce que ce qui t'oppose, c'est un signal. Elle a des problèmes avec Internet. Ben, il faut qu'elle apprenne Internet. Il faut qu'elle comprenne Internet. Le computer est vital dans sa vie. Si c'est si vital que ça, faut pas que tu sois obligé de dépenser 40 000 piastres de technicien par année. Faut que tu saches comment traiter avec le problème par toi-même. Vous me suivez? C'est des avertissements, ça, là. Fait qu'il reste que, dans l'opposition, vous avez tous les signes de qu'est-ce que vous avez à faire. Une opposition, c'est un avertissement. Une opposition très, très, très, très, très, très forte, ça veut dire qu'il y a bien des avertissements que tu n'as pas regardés. Puis une opposition qui va te mettre à terre, c'est parce que tu avais vraiment une tête de cochon. Tu n'as jamais voulu voir qu'est-ce qui était l'élément à dépasser en toi-même. N'oubliez pas, l'opposition est engendrée par votre façon de penser. Quand une situation à répétition vous crée de l'obstruction, c'est parce qu'en quelque part, vous ne faites pas quelque chose pour que ça se défasse. Il y a votre état d'esprit qui bloque la machine. C'est pas les autres qui bloquent la machine. C'est toujours vous autres qui bloquez la machine. Éliminer la nonchalance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque part, il y a quelque chose que tu veux que ça se fasse facile. Puis il n'y a rien qui se fait facile. Il faut commencer à... Il faut vivre une expérience, exemple, avaler du bacon de travers pour se rendre compte que respirer, c'est très important. Fait que si vous avez un jour des obstacles du genre une grippe, un problème de respiration, des affaires qui sont naturelles et instinctives et réflexes dans votre vie, puis que ça vous est enlevé temporairement, vous allez comprendre que il faut être très, très présent à soi-même tout le temps. Présent à sa respiration, présent à ce qu'on mange, présent à tout ça, le bebel. La nonchalance, c'est la non-reconnaissance de l'importance dans l'opposition de se créer des réponses puis des actions. C'est ça, être nonchalant. Nonchalant, c'est quelqu'un qui dit « Hey, tu devrais faire ça. Hey! » Puis tu sais, là, il y en a un, il y en a un autre. Tu sais, il y a plein de gens qui vont t'envoyer des petits messages puis tu les écoutes pas. T'es toujours plus smart que les autres, c'est sûr. Hey, toi, tu te connais, les autres te connaissent pas. N'oubliez pas, les autres, c'est des événements. Fait que vous avez de la nonchalance, vous prenez à la légère des choses, ça va vous mettre à terre. La dynamique de la programmation, elle est fatale. Vous pouvez pas penser que c'est rien. C'est fatal. Fatal, ça veut dire que vous allez mourir un jour. Hein? On s'entend là-dessus? Je pense qu'il n'y a personne qui va discuter ça. Mais si dans la programmation que vous avez des avertissements qui viennent des autres, fait que tu as toujours l'avantage à saisir le qu'est-ce que l'autre veut dire. Puis de jamais penser que tu as eu ultimement raison. Puis ça, c'est vrai pour les deux, c'est vrai pour elle. Il faut pas qu'elle pense qu'elle ait ultimement raison, sinon ça va tomber dans un échange de domination. T'sais. Un te domine, l'autre te domine, puis on attend juste de dominer. Fait que tu reviens tout le temps à une situation où la polarité va être tellement aiguë qu'à un certain moment donné, c'est plus traitable. Un perd contenance, l'autre en profite pour lui faire plus perdre contenance. Puis là, toi, bien évidemment, tu es en contrôle temporaire, puis là, tu es dans l'impression de contrôler temporaire. Tu vas éventuellement pogner ton fond, toi, avec, puis là, tu vas perdre contenance, toi, avec. Fait qu'il y en a un qui pourra pas se relever parce que tu l'as tellement calé qu'il peut plus être capable d'avoir contenance. Puis toi, à un moment donné, parce que tu penses que t'es smart, tu penses que tu es en contenance, puis la première chose que tu sais, c'est que la contenance que l'autre a perdue, qui est un avantage, si tu aurais travaillé avec, là, tu l'as plus. Toi, tu perds contenance, puis là, vous n'avez plus rien, vous coulez ensemble. T'es au bout, hein? Encore là, c'est la nonchalance. Zéro regard sur l'autre, puis là, ben l'autre, en question, devient ton ennemi. Tu as créé ton ennemi. T'as placé la situation pour être un ennemi. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, on est-tu capable d'éliminer l'opposition? Ça revient toujours à l'affaire de comprendre que l'opposition, ça part de toi. Ça part pas des autres. Quand c'est rendu dans les autres, c'est parce que tu l'as pas réglé en toi-même. OK? L'opposition ne vient pas de votre environnement. Il vient de votre tête. Il vient d'une mise en vibration qui est réflexive. Vous réfléchissez à un état et votre état, vous finissez par y croire. Croire au point que vous pensez que ça vous donne de l'autorité et puis ça convient pas nécessairement avec l'environnement. Prenez un travail comme moi je fais, c'est une opposition, par principe, là, c'est une opposition à la logique de l'ego dans la société. OK? Si je veux être capable de vivre sur une planète comme la mienne, la Terre, il faut que mon travail soit vécu avec une lecture de 300-400 ans. Si je suis capable de voir que ça va prendre 300-400 ans avant que le monde se réveille à l'affaire de « c'est pas nous autres qui pensent », ben j'ai pas d'attente, parce que moi, être mort avant, physiquement, j'entends. Là. Fait que j'ai rien à défendre. Si j'ai rien à défendre, ben je peux vivre dans la société avec les problèmes que l'ego peut rencontrer. Mais comme je suis capable de voir à travers, ben je vis pas un excès d'opposition. Mais si je tombe en croisade, puis que là, je veux absolument convertir le monde avant de mourir, là, j'ai une sérieuse opposition. Puis comme c'est trop, il y a trop de gens qui pensent pas comme je pense, ça va me détruire. Je vais tomber malade, ça prendra pas un an. Donc, si je veux pas engendrer d'opposition, faut pas que je me donne de croisade. Faut que je compose avec qu'est-ce que le monde vive. Vous me suivez? Fait qu'il y a plein d'activités dans votre vie qui sont, comment je dirais ça, exposées des oppositions parce que vous pensez d'une certaine façon. Puis souvent, ça peut être dégagé, libéré, cette opposition-là, en n'ayant pas de pression à faire pour que quelque chose change. Tu sais, quand tu passes, il y a un gars qui m'avait shooté une phrase, là, c'était un de mes amis qui est policier, était dans GRC, il dit, tu sais, Daniel, il dit, t'es mieux de mourir incompris que de passer ta vie à te justifier. Tu sais, ça dit ce que ça dit, hein, ça dit, bon, ben, écoute, si tu passes ta vie à essayer de changer ton environnement puis de justifier ce que tu présentes, c'est lourd, ça, là. Mais mourir incompris, c'est-à-dire si tu vis ta vie comme tu vis, puis que tu as un environnement avec lequel tu es confortable, ça va. Tu n'as pas à te justifier. Le gars te dit, non, moi, je crois pas. C'est correct, pas de problème. Le couple, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que dans ta tête, ça bloque. Là, tu vas dire, ouais, puis si ça débloque, bah, peut-être, ça va peut-être être l'alternative de me séparer. Hein? C'est ça. Si tu te sépares, tu vas avoir éliminé l'opposition. Hein? Si être célibataire, c'est l'opposition d'être marié, tu vas aller vivre l'autre opposition. Peut-être tu vas aller vivre ce que tu as peur de vivre. Puis quand tu vas avoir amadoué le célibat, la solitude, ou appelle ça comme tu voudras, le retrait d'eux, tu pourras revenir peut-être dans l'expérience du couple et avoir une version plus dégagée de qu'est-ce que c'est se soumettre à l'autre. Tu sais, quand tu n'as plus peur d'être resté tout seul, l'autre, il peut japper longtemps, ça te dérange pas trop, parce que toi, tu n'as pas de chaîne, tu peux courir. Lui, il va se taper avec la chaîne de sa cabane. C'est-à-dire que te faire courir après avec un chien qui a une cabane au cou, là, m'a dit, c'est quelque chose. Excusez l'image, mais elle est bonne pareil. Tu sais. C'est parce que quelqu'un qui dompte le célibat, il n'est pas attaché à la cabane. Tu sais. Tandis que celui qui vit en couple, ben il y a une chaîne avec une cabane. Vous avez des problèmes de travail. Votre boss, il est aiguissable. C'est aussi pris que tu as une cabane avec le gros chien, puis vous êtes attaché à la même chaîne. Hein? C'est vrai. Lui, il a des grosses responsabilités, donc ses moyens de chaîne sont plus gros. Toi, tu as des moins grosses responsabilités, donc ta chaîne est plus petite. Conséquemment, plus facile à couper. Hein? On vient tout le temps au petit chien. C'est toi le petit chien. Fais-toi de ta chaîne, fais-toi maigrir, tu vas peut-être passer à travers le collier. Fais n'importe quoi, mais tu vas savoir qu'il n'y a pas de chaîne au cou, c'est sûr que le gros chien ne peut pas te rejoindre. Là, tu vas dire, ouais, mais pas de chaîne, pas de salaire, pas de ci, pas de ça, tu sais. Tout est relatif. Il y a plein de cabanes qui attendent de chaîner un chien, là. Fait que, vous avez donc plein d'opportunités de vous placer en esclave devant une structure, puis de dire, je vais me mettre à genoux devant cette structure-là. C'est toujours votre état mental. Votre état mental va se créer la chaîne, va se créer la condition d'attachement à quelque chose. Pourquoi qu'on cherche tant des chaînes? Hein? Pourquoi qu'on cherche un job? Pourquoi qu'on cherche un salaire? Pourquoi qu'on cherche une structure de couple? Pourquoi qu'on cherche toutes sortes de choses? C'est parce qu'on ne sait pas qu'une fois mort, on est bien. Puis tant qu'on ne sait pas qu'une fois mort, on est bien, ben on essaye d'être bien sur la planète en vivant. Puis qu'en vivant, avec un minimum de stimulation, on a du goût de vivre. T'enlèves le goût de vivre, t'enlèves automatiquement le goût à la consommation. Consommation de stimuli, d'excitation, ces choses-là. Je voudrais remarquer que plus tu as le goût de consommer, plus tu manques d'identité. Et que moins tu as le goût de consommer, plus tu es bien avec toi-même, plus tu as d'identité. Donc, une personne qui augmente son identité réduit sérieusement son goût pour la consommation. Elle était millionnaire. Elle n'aime pas ça, je la gosse là-dessus. Puis j'y pose toujours la même crise de question. Comment t'as fait pour perdre ton million? Elle m'a jamais donné la réponse. Mais j'ai toujours attendu la réponse, même si moi je le savais. Mais là, ce soir, étant donné qu'elle était bien choquée au téléphone l'autre fois, je vais lui dire pourquoi je te pose la question. Parce que la seule façon de perdre autant d'argent, c'est de se détacher de la forme. Mais c'est parce qu'une fois que tu te détaches de la forme, tu ne peux plus revenir à la forme comme avant. Fait qu'il faut que tu te détaches de la forme, mais progressivement. Parce que là, tu t'es peut-être un petit peu trop détaché de la forme, puis là, le problème, c'est que tu ne peux pas récupérer ce qui t'a fait faire te détacher de la forme. Le problème, c'est que quand tu n'en as plus d'impression à dépasser, il te reste le vide. C'est une grosse impression, ça, le vide. Le vide, c'est le vide. Le vide, c'est... Tu peux mourir aussi du vide parce que tu as peut-être été tellement loin dans le fond de la piscine que c'est long de remonter à la surface, puis rendu à la surface, puis là, il te manque d'air. Quoi qu'on en dise, l'opposition est là pour rester. Elle a comme fonction de nous aider à nous définir. Vous allez me dire, oui, mais l'opposition, ça m'aide pas à me définir, ça me crée de l'obstruction. Oui, mais l'obstruction permet à l'individu de raffiner sa lecture des événements. Ça lui permet, un peu comme dans la compétition sportive, de forcer une performance, former un être qui est sensible à l'opposition et conséquemment capable de trouver des solutions pour améliorer sa performance. Ce qui est à comprendre là-dedans, c'est que on ne cherche pas l'opposition. L'opposition se présente à nous vis-à-vis des zones qui sont mal définies ou qui ont besoin d'aller plus loin dans leur définition. Si on parle de définition, on parle nécessairement d'une optique de ce que les gens appellent la perfection, d'une optique d'amélioration, considérant le fait que je ne crois pas vraiment à la perfection dans ce beau monde, mais on parle surtout, principalement, d'une amélioration, d'une capacité d'agir, d'une capacité de lire et de donner à cette lecture un point d'action qui suit la lecture. Il y a beaucoup de gens qui ont une capacité d'action, mais qui malheureusement, avec une mauvaise lecture, sont obligés constamment de corriger leurs actions à grands coups, à grande souffrance, à grande tension, arrive par derrière une personne qui est bien définie, lit différemment la nature même de l'événement et corrige plus rapidement l'action, la zone de décision qui permet finalement d'arriver à un impact, à un résultat. On comprend assez facilement que plus une personne est bien définie, plus elle est en mesure de goûter à un rendement dans sa vie, à un mode de vie qui est plus constant, qui est plus équilibré et qui trouve son point d'assise dans des alliances qui sont permanentes, qui sont solides et qui sont surtout efficaces. On comprend qu'une personne qui résiste mal à l'opposition cherche à éliminer des individus, à éliminer des événements, des environnements qui, si elle aurait une meilleure attitude, se servirait de ces oppositions-là comme des avertissements, comme des moyens de voir dans sa programmation d'âme, d'astral, permettrait de voir des facteurs de distorsion qui affaiblissent son caractère, qui affaiblissent sa contenance, donc conséquemment sa volonté. Et l'opposition se présente des fois à travers des personnes, mais se présente à travers souvent des événements, et même la nature peut contribuer à donner à un individu ces fameux avertissements dont je parle. Et c'est sûr que si vous perfectionnez votre lecture des gens, des personnes, et également des événements, vous allez comprendre que l'opposition peut être un point d'appui pour une mutation, pour une transformation. Ça peut être un point d'appui dans la mesure où qu'on regarde l'opposition comme étant un appointement de l'intelligence avec évidemment vous qui avez à vous manifester, à vous exprimer, mais qui demande dans un sens d'être corrigé, d'être ajusté dans sa manifestation selon la nature des transformations ou des événements qui se présentent à elle ou à la personne. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que moi, personnellement, dans ma vie, il m'a été donné de vivre beaucoup d'opposition, mais j'ai renforcé ma lecture en me disant, ben l'opposition va me servir de juge, d'élément critique, et je me corrigerai, je m'ajusterai avec cette dimension critique, cette dimension psychique même. Et c'est sûr que on n'est jamais parfait, mais on se donne une force de caractère avec le temps qui est liée justement à cette capacité de se donner une grande densité, une grande intensité et une grande densité dans les événements, ce qui, évidemment, forge une contenance presque à toute épreuve devant certains types d'expériences. Donc, quand vient la souffrance ou quand se présente la souffrance, on est mieux équipé, comme on dit, pour traiter avec l'événement. Ça souffre autant, ça souffre même des fois très intensément, mais comme on garde l'opposition comme étant un point d'appui et non pas comme un élément destructeur dans notre vie, ben là, à ce moment-là, si les forces, si l'énergie nous le permet, ben on affronte cette opposition-là pour regarder différemment notre avenir, regarder différemment notre passé, même dans certains cas, et corriger dans le temps présent les situations qui sont évidemment perturbante. Parce que l'opposition, même si on le regarde d'un point de vue positif, en demeure tout le temps un élément de perturbation. Ça nous oblige à nous remettre en question. Ça nous oblige à regarder différemment le mouvement dans lequel on est. C'est sûr qu'il y a des oppositions qui se répètent. Et certaines personnes, des fois, semblent s'acharner sur notre personne à constamment nous imposer leurs restrictions, leurs limites. Mais je vous ferai remarquer que à vous retirer d'une opposition, vous allez tirer le même bénéfice que si vous l'affrontez, parce que vous allez avoir eu la mise en vibration de cette opposition. Et c'est de la mise en vibration qui vous permet de corriger. C'est pas le fait d'aller vous épuiser avec toutes vos énergies vitales contre le mur qui incessamment se présentera à vous. S'il vient une tempête dans votre vie, une tempête, on va dire, naturelle, un ouragan ou quoi que ce soit du genre, l'affronter peut être une façon de se détruire. Et fuir la tempête, se dégager de la tempête, ça nous donne une occasion de se garder en vie et de faire face à l'état des faits, l'état des conditions physiques qui vont découler après la tempête, donc qui vont nous obliger à nous reconstruire, ni plus ni moins. Ça peut être une façon intelligente d'aborder le problème. Regardez une opposition classique. On est dans une structure de couple. Anciennement, nos parents avaient tendance, devant des jeux d'opposition liés à la différence entre l'homme et la femme, liés à des demandes, à des exigences qui variaient d'une personne à l'autre, les gens avaient tendance à cette époque à endurer leurs problèmes, donc à traiter avec un face-à-face avec l'opposition. D'autres, dans notre époque, ont tendance plutôt à fuir devant cette opposition. Mais la problématique de la différence est la même. Que l'on fasse face ou qu'on s'échappe, on s'échappe toujours d'une différence et on fait toujours face à la différence. Ce que je vais vous faire passer comme message, c'est que c'est l'intégration de la différence qui fait l'intégration de l'opposition. C'est pas le fait de fuir ou d'y faire face. Si le meilleur moyen, c'est d'y faire face dans un temps, ou que le meilleur moyen est de justement échapper à l'opposition parce que il y a rien à comprendre quand on est dans l'œil de la tornade, mais que c'est plus facile d'avoir une vision objective quand on en sort, mais là, à ce moment-là, le choix de la situation va avec la capacité de prendre conscience. S'il est facile pour vous de prendre conscience dans le combat, ben votre combat va avoir une validité. Mais si vous, dans le combat, vous perdez toutes vos ressources, tous vos moyens, toute votre objectivité, ben c'est probablement le fait de se retirer du combat qui va vous emmener à avoir un ajustement plus précis, plus ajusté selon votre condition émotionnelle et mentale. Les gens excessivement émotifs ont techniquement plus besoin de se retirer du combat que d'être dans le jeu polarisé, extrêmement polarisé, de l'attaque ou de la confrontation qui peut se lier à l'opposition. J'ai rarement vu des gens garder leur lucidité quand il était excessivement émotionnel à justement confronter l'opposition. À se retirer de l'opposition en en créant une absence réellement réelle, ben ça pouvait leur permettre de retrouver un calme, de retrouver une paix. Là, vous allez me dire, ils n'ont rien réglé. Je pense que régler dans la vie, c'est avoir la paix. Quand on a la paix, on a réglé. C'est pas la façon de se battre qui donne la paix. C'est le fait d'être capable d'arrêter de se battre qui donne la paix. Quand les gens passent leur vie à vouloir se battre, c'est pas des gens qui ont la paix. Et peu importe ce qu'ils font, ils réussissent toujours à se créer un environnement qui les oppose parce qu'ils cherchent constamment la guerre. Ils cherchent constamment le combat, la lutte. Et on dirait qu'ils sont pas capables de vivre avec eux-mêmes, donc ils impliquent d'autres personnes dans une lutte incessante avec leur personne pour se donner une impression d'exister, pour se donner une impression de vivre. C'est là, souvent dans notre société, le jeu de la compétition. On met deux équipes de hockey ou de football ou de baseball un contre l'autre et on lui donne à ces gens-là l'occasion d'exister, de chercher une performance, de chercher une amélioration. Et nous, de l'extérieur, on n'est pas mis, on les juge, on n'est pas dans le feu de l'action, mais on entretient ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il existe en nous. Il nous donne l'impression qu'on est capable de lire et de détailler leur combat à eux, parce que on est dans les estrades, ce qu'on appelle les fameux gérants d'estrade. Mais que vous soyez dans la partie ou dans les estrades à regarder la partie, vous êtes pris avec un problème d'opposition parce qu'il y a du parti pris. Il y a une sorte de logique qui veut que telle chose gagne contre l'autre. Et quand on entretient cette espèce de jeu de compétition, ben on entretient dans l'être un désordre. On entretient ce que je pourrais considérer comme étant une désynchronisation avec notre point centre, avec notre centricité. On n'est pas capable de retrouver une stabilité. La personne qui se stabilise élimine le combat, élimine la compétition et trouve le moyen de sublimer ses instincts et son manque d'être, son manque d'être-té, ce que moi j'appelle un manque d'identité. C'est sûr que plus vous allez vous avancer dans la vie à lire mieux, plus vous allez traiter avec une souffrance intense mais courte. Les gens qui ont de l'identité, c'est pas des gens qui souffrent pas, c'est des gens qui ont appris à souffrir le moins longtemps possible. Les gens qui ont pas d'identité entretiennent des rancunes, entretiennent leurs oppositions, entretiennent une compétition et une confrontation avec des gens, avec des événements, avec des personnes, et traitent constamment avec de l'angoisse. Conséquemment, cette angoisse peut, à un certain moment donné, les abattre au travers d'un problème de santé et de maladie. Là, vous allez me dire qu'il y a moyen de réagir avant d'être malade, et je vous dirais que même si vous traitez avec des médicaments ou vous traitez avec des drogues quelconques, vous allez toujours arriver à devoir faire votre combat sur un plan psychique et non pas intellectuel ou émotionnel. L'ultime combat se résout dans une conscience de la pensée et de ses mécanismes, et surtout de l'origine de la mise en vibration qui crée la pensée. Tant et aussi longtemps qu'un individu n'est pas capable de se dégager de la réflexion, il est incessamment bombardé d'opposition et constamment imposé d'affiner sa lecture jusqu'à ce qu'il soit capable de pouvoir réellement comprendre que l'origine de la pensée ne vient pas des plans terrestres, mais vient de plans subtils, de plans psychiques, qui influent constamment dans le jeu âme, le jeu astral, le jeu émotionnel et des fois excessivement intellectuel que l'être humain sur la planète doit affronter toute sa vie. Conséquemment, si vous avez à chercher une solution pour éliminer l'opposition, commencez par éliminer le doute. La certitude n'élimine pas l'opposition en soi, mais la certitude rend très court la phase d'action, la phase d'ajustement qui est nécessaire pour pouvoir bien lire l'événement et éventuellement transformer une performance qui est relative à un environnement à un état de conscience qui est très en puissance simplement par le fait de savoir.